Un soir en rentrant, comme la comtesse excitait sa jument, la piquant, puis la retenant par secousses brusques, on entendit plusieurs fois Julien lui répéter « Prenez garde, prenez donc garde, vous allez être emporté. » Elle répliqua « Tant pis, ce n'est pas votre affaire. » D'un ton si clair et si dur que les paroles nettes sonnèrent par la campagne comme si elles restaient suspendues dans l'air. L'animal se cabrait, ruait, bavait. Soudain, le comte, inquiet, cria de ses forts poumons « Fais donc attention, Gilberte !» Alors, comme par défi, dans un de ces énervements de femme que rien n'arrête, elle frappa brutalement de sa cravache, entre les deux oreilles, la bête qui se dressa, furieuse, battit l'air de ses jambes de devant, et, retombant, s'élança d'un bond formidable et détala par la plaine de toute la vigueur de ses jarrets. Elle franchit d'abord une prairie, puis, se précipitant à travers les labourés, elle soulevait en poussière la terre humide et grasse, et filait si vite qu'on distinguait à peine la monture et l'Amazone. Julien, stupéfait, restait en place, appelant désespérément « Madame ! Madame !» Mais le comte eut une sorte de grognement, et, se courbant sur l'encolure de son pesant cheval, il le jeta en avant d'une poussée de tout son corps, et il le lança d'une telle allure, l'excitant, l'entraînant, l'affolant, avec la voix, le geste et l'éperon, que l'énorme cavalier semblait porter la lourde bête entre ses cuisses et l'enlever comme pour s'envoler. Ils allaient d'une inconcevable vitesse, se ruant droit devant eux, et Jeanne voyait là-bas les deux silhouettes de la femme et du mari, fuir, fuir, diminuer, s'effacer, disparaître, comme on voit deux oiseaux se poursuivant, se perdre et s'évanouir à l'horizon. Alors, Julien se rapprocha, toujours au pas, en murmurant d'un air furieux. « Je crois qu'elle est folle, aujourd'hui. » Et tous deux partirent derrière leurs amis, enfoncés maintenant dans une ondulation de la plaine. Au bout d'un quart d'heure, ils les aperçurent qui revenaient, et bientôt, ils les joignirent. Le comte, rouge, en sueur, riant, content, triomphant, tenait, de sa poigne irrésistible, le cheval frémissant de sa femme. Elle était pâle, avec un visage douloureux et crispé, et elle se soutenait d'une main sur l'épaule de son mari, comme si elle allait défaillir. Jeanne, ce jour-là, comprit que le comte aimait éperdument.